Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. 90% des marchandises que l'on consomme, des produits industriels, mais des produits de consommation, qui circulent en fait par le biais notamment des grands porte-conteneurs. Cette semaine, des règlements et des vagues. Le désordre, il provient essentiellement du fait qu'on a une multitude de textes épars, mais il faut bien voir que la portée d'une convention internationale, un traité, donc signé entre des États. Et ce désordre provient du fait qu'en fait, il n'existe pas de droit des transports internationaux réellement uniforme. Les crimes existent, les crimes contre les êtres humains. Eh bien, il faut juste prendre en compte le fait que des crimes contre l'environnement sont éventuellement envisageables aussi. Comme pour la responsabilité civile, on indemnise des dommages qui concernent des personnes. Eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des dommages qui concernent également l'environnement. Du code à la pratique. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de conteneurs perdus en mer par an, mais absolument phénoménal, et en particulier dans le rail de la Manche, qui est vraiment l'autoroute de la mer européenne. Et pas sur chaque voyage, mais il y a des conteneurs perdus aux mers, avec le problème de savoir si ce sont des déchets ou pas des déchets. La conteneurisation, c'est un phénomène absolument majeur. Ça nous permet aussi d'être approvisionnés, nous, consommateurs, quasiment en continu, sans rupture, avec des volumes extrêmement importants, qui vont du micro-ordinateur à la paire de chaussures. Le commerce en mer. Celui qui est à Marseille donne des ordres, celui qui est dans l'Empire ottoman doit les exécuter. En l'échange, il perçoit une commission, c'est un droit en général de 2 ou de 3% sur les marchandises qui transitent entre ses mains, et il se rémunère. 90% de tout ce que nous consommons vient de l'étranger et 95% des produits expédiés à travers la planète passent par les mers ou les océans. Le transport maritime est devenu le secteur d'activité le plus important et le plus puissant du monde, l'essence même de la mondialisation. Mais à quel prix? Qui en sont les acteurs? Quels sont les enjeux économiques, sociétaux, politiques, juridiques et écologiques du fret maritime? Une enquête audacieuse va nous entraîner dans les coulisses du transport maritime pour révéler la mécanique et les dangers de cette industrie clé de notre économie, de notre environnement et de notre modèle de civilisation. 60 000 vaisseaux sillonnent sans relâche les artères maritimes du globe. Ils sont le flux sanguin qui nourrit la machine globale et ravitaille 7 milliards d'humains. Les matières premières, minerais, charbon, le pétrole, le gaz, tous les fruits, légumes, céréales, les liquides, produits chimiques, composants, produits finis. 90% de tout ce qui est fabriqué ou extrait de la planète passe par la mer. Alors comment expliquer une telle invisibilité du secteur maritime ? Vu que les bateaux deviennent de plus en plus grands, les ports doivent être plus profonds, donc ils se sont éloignés. Il n'y a plus de dock au centre de Londres. Il n'y a plus de dock dans New York, parce qu'il n'y a pas assez d'eau et pas assez d'espace. Aujourd'hui, les ports sont énormes et ils sont souvent situés à plusieurs kilomètres des villes. C'est pourquoi il est difficile de voir les navires. C'est paradoxal. Mais si les ports et l'industrie tout entière sont devenus invisibles, c'est parce que les bateaux ne cessent de grandir. Les navires deviennent de plus en plus grands. Vraiment, on dirait qu'il n'y a plus de limite maintenant. Les records de taille ne durent que quelques mois. Il y a constamment un bateau encore plus grand qui fait son apparition. Les dimensions sont titanesques. Le triple E est l'un des petits derniers de la flotte. Avec ses 400 mètres de long, l'équivalent de 4 terrains de football, il pourrait accueillir 10 Airbus A320 en file indienne. Ou une tour Eiffel. Ou pourquoi pas, le Titanic tout entier. Mais sa spécialité, ce sont les conteneurs. 18 000 à chaque voyage. Si on les alignait, cela donnerait un serpent d'acier de 120 km. Plus on en met sur un seul bateau, plus le coût du transport baisse. C'est ça, l'économie d'échelle. Nous avons fait quelques calculs plutôt amusants. Et il s'avère qu'un navire comme celui-là peut transporter 800 millions de bananes, suffisamment pour donner une banane à chaque personne en Amérique du Nord et en Europe. un extrait de Cargo, la face cachée du fret, le nouveau documentaire d'Histoire vivante, à découvrir dimanche prochain sur RTS2. Quant à nous, cette semaine, c'est sur un certain nombre d'aspects du droit maritime sur lesquels nous reviendrons au travers de plusieurs entretiens. Pour commencer cette nouvelle semaine, un premier invité, Pierre Gras. Il est l'auteur d'un ouvrage concernant les villes portuaires. Sur les 25 premières grandes villes mondiales, 17 ont un accès à la mer. C'est dire l'importance des ports dans l'économie monde. Mais à la différence des villes portuaires du passé, celles d'aujourd'hui ne peuvent plus prétendre dominer les échanges mondialisés sans nouer des relations fortes avec des territoires à la fois proches et extrêmement lointains. L'entretien auprès de Pierre Gras est signé Frédéric Fipper. Pierre Gras, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes également consultant spécialisé dans les questions urbaines et l'auteur notamment de cet ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui dans Histoire vivante, Le temps des ports, déclin et renaissance des villes portuaires de 1940 à 2010. C'est sorti aux éditions Taillandier. C'est un important travail de recherche que vous avez mené dans une cinquantaine de sites français et de sites étrangers. C'est un essai qui retrace l'histoire de ces métamorphoses qui, depuis 1940, affecte ou au contraire renforce la position des cités portuaires dont l'attractivité économique et touristique a rarement été aussi forte qu'aujourd'hui. Alors peut-être en préambule, je vous demanderai, Pierre Gras, comment en êtes-vous venu à étudier l'histoire de ces villes portuaires ? Alors c'est à la fois, c'est vrai, un objet d'étude, vous l'avez rappelé, mais c'est avant tout finalement une passion. Peut-être que mon origine normande y est pour quelque chose. J'ai été habitué enfant à côtoyer non seulement les quais des ports, mais les gens de mer, et ça me donnait certainement envie d'y revenir une fois à l'âge adulte. Et donc j'ai travaillé sur cette question pendant une bonne dizaine d'années de déplacements, reportages. J'ai eu l'occasion notamment de me rendre à Barcelone qui préparait les Jeux Olympiques de 1992 et j'ai été fasciné par leur manière de redécouvrir finalement la mer dont l'accès pour les habitants était difficile pendant des années et donc ça a été une mutation assez, pour moi c'était un peu un modèle d'ailleurs, c'était un modèle dans toute l'Europe. Et donc cet objet d'étude progressivement évidemment a pris beaucoup de place dans mon travail. Et en 2010, effectivement, j'ai publié cet ouvrage qui retrace, pour une part, une dizaine d'années d'enquêtes, de reportages et de comparaisons, finalement, entre des situations différentes en Europe et dans le monde. Vous avez débuté cette étude en 1940, mais naturellement, le rôle des villes portuaires, on peut remonter bien plus loin en arrière. Pourquoi avoir choisi d'entamer votre étude à ce moment-là ? Alors c'est vrai, il y a un contexte historique évidemment qui est lié aux grandes découvertes maritimes. Hein. On dit d'ailleurs que bien des ports ont été à l'origine de l'existence de villes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des villes après avoir été d'abord des ports. Toutes les conquêtes coloniales, il faut bien le reconnaître. Donc les grandes cités, les républiques ou les grandes cités maritimes comme Venise, Gênes, Anvers, etc. Effectivement, leurs navires sillonnaient les mers, leurs entrepôts stockaient toutes sortes de richesses, évidemment, bien avant le 19e ou le 20e siècle. Alors, pourquoi faire démarrer ce travail à la Seconde Guerre mondiale ? C'est évidemment un choc gigantesque en Europe. Les ports commençaient à décliner, si vous voulez, du fait de la concurrence de l'aviation civile, notamment pour le transport des passagers. Vous savez que l'aviation civile a fait beaucoup de progrès à l'occasion, malheureusement, des deux grands conflits mondiaux. Et donc, le transport des passagers par paquebot a commencé à décliner. Mais évidemment, ce qui les fait décliner, ce sont surtout les destructions de la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, 1944-1945. Et donc disparaissent ou sont quasiment rayés de la carte des villes comme Le Havre, Dunkerque, Brest, une partie de Hambourg, la totalité de Rotterdam, pour ne donner que quelques exemples. Le 5 septembre, 350 Lancaster et Mosquito déversent 1800 tonnes de bombes et 30 000 engins incendiaires sur les quartiers résidentiels du Havre. Et donc cette ville ruinée fait l'objet... Le général de Gaulle se rend sur place, se dit admiratif du courage des Havrais et leur promet de reconstruire une ville aussi belle, encore plus belle, etc. Il confie à un architecte très connu qui s'appelle Auguste Perret, qui est un petit peu vieillissant, mais qui est au fait de sa gloire. Il confie donc à Auguste Perret et à son équipe de reconstruire le Havre. Mais à la grande surprise des Havrais, il adopte l'architecture de la modernité avec des grandes barres, quelques tours, le tout en béton. Donc vous pouvez imaginer la déception des Havrais qui s'attendaient à ce qu'on fasse comme à Saint-Malo, en quelque sorte, une ville à l'identique avec des moyens importants. Alors certes, les moyens sont là, mais Auguste Perret prend l'option de la modernité et contre vents et marées, et l'avis d'une partie de la population, la reconstruction se fait. Alors le grand paradoxe, c'est que cette reconstruction moderne qui a eu tant de mal à être acceptée, qui a tant marqué un petit peu négativement les esprits, en 2005 a été reconnue comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, évidemment à l'issue d'un processus de candidature, etc. Le cahier des charges de l'UNESCO est plutôt strict, mais en fait c'est une loi visant à protéger le patrimoine architectural et urbain appliquée depuis 1995 qui dit les règles. Le Havre a été la première ville de France à l'appliquer afin de protéger l'œuvre de Perret, mais plus généralement son centre-ville, soit une superficie au total de 150 hectares. Voici le Havre. Tel qu'Auguste Perret, l'un des grands architectes de notre époque, l'a rebâti après la guerre de 1940. Cette architecture présente des qualités certaines. D'abord, elle est belle, ce qui n'est pas si fréquent à notre époque. Et ensuite, elle a les avantages de notre siècle. Centres commerciaux et administratifs, larges avenues facilitant la circulation. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Pierre Gras, journaliste. Donc on parle de destruction et de reconstruction. Parallèlement aux États-Unis, les grandes villes portuaires subissent déjà une certaine forme de déclin. Il y a un décalage comme ça entre les États-Unis et l'Europe dans les années 60. Oui, alors il y a plusieurs explications à ça. C'est que les États-Unis, certes, étaient belligérants dans la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'étaient pas, enfin, le sol des États-Unis n'était pas impliqué, évidemment, dans les combats. Donc c'est la grosse différence avec l'Europe, où un certain nombre de villes portuaires d'Asie qui ont subi le choc des destructions. Donc en dehors, bien entendu, on pourrait évoquer le drame de Pearl Harbor, mais Pearl Harbor n'était pas sur le sol au sens principal, sur l'aspect continental des États-Unis. Donc les ports américains n'avaient pas été touchés par ces destructions. En revanche, ils connaissent effectivement un certain nombre de difficultés à partir des années 50, des formes de déclin industriel, une décolonisation qui commence à s'amorcer, une montée aussi des crises sociales, hein, toute la question des minorités ethniques, des droits sociaux et tout simplement de citoyens, hein, notamment de la population d'origine africaine. Bref, tout ceci concourt à faire décliner donc des villes comme Boston, comme Baltimore, comme bien entendu New York. Et donc il y a une très grosse crise de ces, notamment du littoral de ces villes qui viennent vraiment des endroits un peu de non-droit, d'abandon, etc. Et ça va enclencher une réaction, moins d'ailleurs du pouvoir politique qui ne sait pas trop quoi faire, mais des propriétaires, des investisseurs qui se disent qu'il y a quelque chose à faire. Et effectivement, c'est Boston qui va se lancer en premier dans ce projet qui est de reconstituer quelque chose, hein, sur ce qu'on appelle le waterfront, hein, les fronts de mer, autour d'une version très, j'allais dire très nord-américaine, de l'entertainment, hein, du plaisir, de l'amusement, des commerces, des activités ludiques, des aquariums, bref, des lieux de détente et de loisirs qui vont attirer énormément de touristes. Et donc le succès de Boston va être tel que, en fait, tout le monde va se mettre à le copier. Effectivement, ce modèle va se diffuser non seulement largement aux États-Unis, mais aussi dans une bonne partie du monde anglo-saxon ou du Commonwealth, et au point qu'on a appelé ça finalement le modèle de Boston. Donc, à partir de cette crise, mais avec un point de départ tout à fait différent, les Américains ont reconstitué une offre urbaine, en quelque sorte, moins tournée vers la mer, plus tournée vers l'intérieur du territoire, mais qui a permis à ces villes de rebondir. Ensuite, c'est pas tout à fait d'ailleurs le même modèle, mais enfin c'est quelque chose qui va concerner Londres, notamment le fameux quartier des Docklands, où là il y a évidemment aussi tout à faire, hein, tout à fermer, l'activité maritime est très restreinte, les choses se passent ailleurs, si vous voulez. On parlait pas de délocalisation à l'époque, en tout cas le mot n'était pas utilisé, mais c'est bien ce qui s'est passé. À un moment donné, les usines sont ailleurs, les conquêtes coloniales ont tourné court, hein, les pays ont pris leur indépendance, il y a des crises sociales, du chômage, etc. Donc on est dans une situation analogue, mais un certain nombre d'années plus tard. L'opération des Docklands connaît des difficultés, mais finalement, elle réussit à changer l'image de Londres. Hein, on l'a vu avec les Jeux Olympiques de 2012, c'est tout un secteur hein, autour de Greenwich, etc., qui est énormément changé, qui est extrêmement dynamique. Et Barcelone, c'est un peu le troisième modèle à compter des années 90-2000. Alors le modèle de Barcelone, j'en dis un mot, il repose sur une autre approche vraiment que l'approche américaine. Bien sûr, il y a des commerces, bien sûr, il y a des activités ludiques, des bars, des restaurants, etc. Mais le projet se fait sur la base des espaces publics. Ce littoral qui se poursuit après les Ramblas. Et qui va jusqu'à la Barceloneta, voilà, en fait, qui là intègre et se transforme. C'était un quartier très pauvre, lumpen proletariat espagnol, qui est devenu un endroit plutôt branché. Alors moi j'ai vécu ce chantier puisque je suis allé à Barcelone plusieurs fois dans cette période, donc avant les Jeux Olympiques, à partir du milieu des années 80, c'était absolument incroyable. On a déplacé les autoroutes, on a déplacé des voies ferrées, on a démoli des entrepôts, etc. Pour faire quoi? Pour retrouver cet accès ludique à la mer, pouvoir implanter encore une fois des logements, des hôtels, des restaurants, etc. Alors l'objectif était le même hein, qu'à Boston ou à Londres, mais ça a été fait à partir d'un plan, une trame, si vous voulez, de rue, d'espace public, de square, de jardin, de parc. Donc comment on peut, à travers ce levier de la rue, de tout cet espace vivant, hein, cet espace public, comment on peut aussi transformer l'image d'un port, l'image d'une ville portuaire? Ça a été la leçon de Barcelone. Ce qui a fait un peu plus tard Marseille aussi, hein, on voit avec le développement du musée, le MUCEM par exemple, toute cette approche différente de face à la zone waterfront, comme vous l'appelez. Alors ça a été beaucoup plus long. Vous savez que Marseille a le paradoxe d'avoir deux ports, hein, son port historique, hein, la Joliette, le Vieux Port, etc. Et puis le port de Fos-sur-Mer. Et il faut bien reconnaître que pendant une vingtaine d'années, toute la richesse économique, hein, l'essentiel de la densité économique du port est parti à Fos. Donc il y avait un peu cette difficulté, le port avait perdu de son dynamisme. Parce que l'impact finalement de ces transformations, c'est une séparation nette du côté port industriel et port de plaisance. Aujourd'hui, on sort les ports industriels des villes. Oui, alors c'est un processus qui a en réalité démarré au 19e siècle, c'est le paradoxe. Avec Londres notamment, qui a créé un port beaucoup plus près de l'embouchure de la Tamise, à Tilbury. Pourquoi? C'est que au fur et à mesure où la taille des navires s'est accrue, où le volume des marchandises transportées est devenu important, où la densité, la rapidité de ces échanges s'est accrue, les ports historiques, hein, ce qu'on appelait les bassins du commerce, hein, à peu près partout, se sont trouvés bien petits. Donc dès le 19e siècle, dans un certain nombre de sites, c'est vrai aussi à New York par exemple, on commence à s'éloigner du centre-ville, du centre historique. Les bassins de commerce sont petit à petit abandonnés ou laissés à d'autres fonctions. Vous évoquez à juste titre la plaisance, mais bon, voilà, une série de fonctions de ce type. Et on va chercher, pas bien loin, mais enfin à distance quand même de la ville, du foncier, des terrains disponibles, si possible bien situés, bien accessibles par la mer évidemment, mais ça ne va pas sans une certaine crise. D'abord, tout ce qui tournait autour de la vie des docks, les petits cafés, les activités plus ou moins licites, mais aussi toute une économie, c'est quelque chose qui commence effectivement à être mis en cause. Et puis surtout, les bâtiments eux-mêmes ont tendance à tomber en désuétude. On n'a pas encore découvert que ça pouvait constituer une formidable opportunité en termes de patrimoine, en termes de muséographie, en matière de tourisme, etc. Ça va venir beaucoup plus tard. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Pierre Gras, journaliste. Pierre Gras, on assiste aujourd'hui à une sorte de glissement de ce trafic maritime de l'Europe et des États-Unis vers l'Asie du Sud-Est. Rotterdam, d'ailleurs, pourrait encore perdre des plumes au passage. Aujourd'hui, c'est Shanghai, c'est Singapour qui sont les numéros un, je crois savoir. Comment est-ce que cela s'explique ? Oui, oui. Alors, il y a même, si vous voulez, les 10 premiers ports mondiaux aujourd'hui en termes de trafic. Alors, principalement, l'unité de mesure, c'est le conteneur. Mais enfin, bon, il y a les hydrocarbures, il y a les autres marchandises. Mais sur, disons, les ports à conteneurs, il n'y a plus de ports européens parmi les 10 premiers. Donc ça, c'est un fait acquis. Rotterdam a reculé à la 11e ou la 12e place, je crois. D'ailleurs, il perd encore un petit peu de trafic. Mais surtout, ce qui est le plus stupéfiant, c'est évidemment Shanghai, Singapour, Hong Kong, on connaît Canton. Mais la plupart des ports qui sont les plus classés, on ne connaît que très peu leur nom. On a entendu parler de Tianjin parce que c'est pas très loin de Pékin. C'est d'ailleurs relié par une ligne à haute vitesse ferroviaire, d'où l'importance pour le régime chinois, je pense, de cette région. Mais ce sont des ports, j'allais les qualifier d'inconnus, où les villes n'ont pas une importance stratégique. C'est ce qu'on appelle un petit peu le chapelet ou le collier de perles, etc. Alors c'est valable aussi pour des ports qui peuvent être situés en Indonésie ou au Pakistan, etc., qui montent vraiment énormément en charge. Donc les Européens sont très loin dans le classement. Rotterdam reste le premier port européen, mais un port comme celui du Havre, même regroupé avec Rouen et Paris, ou même celui de Marseille, a vraiment fortement reculé dans la hiérarchie mondiale. C'est, l'explication est simple, hein, c'est le centre de gravité économique du monde, c'est lentement déplacé des États-Unis et de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est. C'est un phénomène qui a commencé, disons dans les années 80, et là on est au pic. Ce qui est un peu inquiétant, c'est pas tellement ce phénomène, on le connaît, c'est que un ralentissement commence à se faire sentir, on le sait, que les conditions environnementales de cette économie de croissance à deux chiffres, on les connaît aussi, hein, malheureusement, et je crois que les Chinois commencent à en prendre conscience. Et puis que, si vous voulez, l'ensemble des repères sociaux, culturels, etc. de ces pays sont extrêmement perturbés aussi par cette situation, comme d'ailleurs le tourisme aussi joue un rôle dans ce sens. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore en mouvement. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'Europe ne redeviendra probablement pas le centre du monde de ce point de vue. Mais évidemment, son impact en tant que client, hein, c'est ça. C'est l'Union européenne en tant que client est évidemment un client absolument central. Mais le volume d'affaires déclenché par des usines du monde, hein, voilà. Les usines du monde sont en Asie du Sud-Est et c'est bien ce qui provoque un petit peu ce changement dans la hiérarchie des grands ports mondiaux. D'ailleurs, les opérateurs chinois visent également les ports européens. Un grand opérateur chinois venait d'acquérir 67% du port du Pirée en Grèce, et ceci oui. Jusqu'en 2052, un total de plus d'1,5 milliard d'euros. Là, c'est vraiment les Chinois non seulement développent les ports des points de départ pour ce grand trafic maritime, mais également les points d'arrivée, et notamment en Europe avec la vente et la privatisation de ports, comme ça peut être le cas en Grèce aujourd'hui. Voilà, il y a d'autres mouvements, hein, notamment autour de la mer Noire, dans toute la partie, j'allais dire, orientale de la Méditerranée. Effectivement, c'est la même démarche en Afrique, où les opérateurs français, hein, notamment Bolloré, ou les opérateurs américains ont bien du mal à résister à la pression chinoise. Donc, ils prennent position, vous avez raison, aussi sur les territoires des clients. Alors c'est assez astucieux parce qu'effectivement, si on est des deux côtés de la chaîne, on récupère beaucoup plus de valeur ajoutée, hein, sans employer de mots trop techniques, que si on est uniquement du côté de l'exportation. On voit bien la démarche qui est suivie. Alors il y a beaucoup de réticence en face de ça. Vous vous souvenez que à peine élu, le Premier ministre grec Tsipras avait dit qu'il allait interrompre tout ça et qu'il allait arrêter ce processus de vente, privatisation et de vente aux Chinois. Finalement, il a été obligé de se rendre à l'évidence, comme dans d'autres domaines, à savoir qu'il n'avait pas forcément énormément de choix. Cette tentation est peut-être présente dans un certain nombre de pays. Je ne serais pas surpris, par exemple, qu'en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, hein, puisque ce sont des ports qui se trouvent, je dirais, directement, enfin, évidemment, plus qu'à vol d'oiseau, mais les plus proches de la zone de croissance économique du sud-est asiatique, je ne serais pas surpris qu'on assiste aussi à des prises de participation ou à des investissements très très importants. C'est cohérent avec la démarche d'un pays, la Chine, qui devrait, ou qui est peut-être déjà la première puissance économique mondiale. Vous parlez brièvement de l'Afrique. On se rend compte, lorsqu'on va sur place, que le développement d'un pays, si on pense au Togo par exemple, avec le port de Lomé, le développement d'un port en eau profonde est vraiment le poumon économique d'un pays. Si on compare deux pays, celui qui possède un port en eau profonde et celui qui n'en possède pas, le niveau de développement du pays, en tout cas du PIB du pays, est directement impacté par cette zone d'entrée. Oui, alors on a une image un peu folklorique, j'allais dire archaïque, un peu une image d'Épinal, hein, de ces zones portuaires un peu, bon, il faut reconnaître que par certains aspects elles s'y prêtent. Mais ce qu'on ne voit pas, ou pas assez, ou en tout cas il faut le voir pour le croire, c'est à quel point le développement d'un certain nombre de pays, on peut penser aussi au Nigeria, hein, vous évoquiez Lagos tout à l'heure, est absolument colossal de ce point de vue, surtout si on se réfère aux, je dirais, aux critères moyens du développement du continent africain. Donc ça concerne, bien sûr, vous avez évoqué Lomé, mais aussi des ports comme Dakar, comme Cotonou. Tout le golfe de Guinée est extrêmement impacté aussi par ce phénomène. C'est aussi un des effets de la mondialisation, c'est-à-dire que les villes littorales prennent de plus en plus d'importance parce que les mouvements de marchandises sont extrêmement importants. J'ai juste un seul exemple en tête pour donner un peu la couleur de ça. Il y avait des fabricants de mobilettes, un peu certainement pas forcément ultra performantes, mais enfin qui n'étaient pas chères, etc., qui existaient dans un certain nombre de pays, notamment d'Afrique occidentale, de culture plutôt francophone. Et puis les Chinois se sont mis à fabriquer des mobilettes à bas coût, avec une capacité à produire évidemment des quantités très importantes. Bah, les effets concrets de la mondialisation, c'est qu'à travers ces places portuaires, on a importé un nombre considérable de mobilettes chinoises qui équipent un certain nombre, et il faut sûrement s'en féliciter, ça permet aussi du développement à travers la mobilité, etc. Mais les modestes fabricants artisanaux de mobilettes ont mis la clé sous la porte, il n'en reste pratiquement plus. Et c'est pareil d'ailleurs pour les tissus africains. Aujourd'hui, vous allez dans un marché à Lagos ou à Abidjan, tous les tissus viennent de Chine, même avec les motifs africains. Voilà, exactement. Alors, ce qui est assez astucieux, c'est qu'effectivement, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que les produits importés, produits chinois importés, c'est un peu comme le Canada Dry, si je peux me permettre. C'est-à-dire que ça ressemble tout à fait à un produit africain, c'est très bien fait, mais effectivement, ce sont des produits en grande série, bon, qu'on connaît aussi en Europe, hein, qui sont fabriqués selon les normes chinoises. Mais ce phénomène, si vous voulez, ça traduit tout à fait ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est un interconnexion, hein, cette imbrication de l'ensemble de ces paramètres dans des lieux particuliers que sont ces villes portuaires. Mais évidemment, elles irriguent très largement leur hinterland, comme disent les géographes, notamment à travers les fleuves, hein, aussi, circulation de marchandises par le fleuve. Ça se traduit dans des petits aspects de la vie quotidienne, comme vous dites, assez significatifs. Pierre Gras, merci beaucoup pour toutes ces explications sur ces villes portuaires. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, Le temps des ports, déclin et renaissance des villes portuaires de 1940 à 2010. Et c'est sorti aux éditions Taillandier. Pierre Gras était au micro de Frédéric Pfeiffer. Demain, la suite de cette thématique consacrée au territoire maritime et notamment aux coutumes ayant engendré le droit. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. We'll be right back.